Tu peux pas comprendre ce que je veux dire. Ça se comprend pas ce que je veux dire, ça sait. Quand tu sauras ce que je veux dire à ce moment-là, tu seras aux portes de la destruction de l'inertie d'intelligence. Ah, ben oui, écoute, je suis pas pour initier tout le monde, mais je suis pas pour la faire passer par des degrés, chose. Moi, je suis fatigué, je prends un break. Wow. Wow. Là, je pars. Avant, je créais des chocs, je faisais des initiations, là, j'en fais plus. Là, je pars. C'est tout de même, ça fait tout bien ça. Je me suis là. Et les pro. Il y a des gens, tu peux pas. C'est pas écœurant. Ils ont des mécanismes en dedans d'eux autres qui rationalisent leur intelligence. Le pire que tu peux faire, c'est de rationaliser ton intelligence. Rationaliser ton intelligence, c'est prendre des onguents, puis de dorloter. Tu peux pas dorloter ton intelligence. Faut que t'en vives de cette affaire-là. Faut que t'en manges de ton intelligence. J'essaie d'écœurer Dr. Arbeck. Ça fait 2 ans que je connais Dr. Arbeck. C'est pas écœurable. Ça fait une maudite résistance à sa femme. Ça s'écœure pas. Ça s'écœure pas! Pourquoi? Parce que leur nature, leur tempérament, ils sont capables d'en prendre. Il y a des gens qui ont. C'est parce que tu es un docteur. Quand tu es un docteur, tu n'as pas souffert dans la vie. Ils ont une famille de 4 enfants, ils ont une belle vie, ils ont toujours une belle vie. Fait que, du monde de même, tu peux pas écœurer ça, parce qu'ils ont déjà une belle vie. Puis d'un autre côté, c'est pas nécessaire qu'ils vivent une vie de fou. Parce que je parle d'écœurer pour ceux que ça les amène à une autre étape. Mais si t'es bien, ils ont une belle vie, ils autres font une belle vie, pourquoi est-ce qu'ils se feraient écœurer? Ils ont pas de raison. Mais d'un autre côté, faut pas que quoi? Faut pas qu'ils s'en fassent avec ce que je dis. Parce que là, ils vont souffrir de rien. Alors, quand je fais écœurer le monde, c'est pour ceux qui ont du potentiel à être écœurés, mais ceux qui n'ont pas le potentiel d'être écœurés parce qu'ils ont un autre potentiel de vie, à ce moment-là, ils vivent le potentiel de vie. Il faudrait que Dr. Abeck soit écœuré, il sacre la médecine-là. Mais ça ne sera pas intelligent. Fait que l'affaire d'écœurement, c'est un principe. Autrement dit, c'est pour nettoyer nos pompes. Parce que moi, je ne suis pas pour ça, pour la souffrance. J'en parle de la souffrance, mais je ne suis pas pour la souffrance. J'en parle de la souffrance. Faut que j'en parle. Faut que je l'explique. Mais je ne suis pas pour la souffrance. Je suis écœuré de la souffrance. Fait que quand je parle d'écœurement, c'est pour amener les gens à sortir de la souffrance. Mais ceux qui ne souffrent pas, ben restez de même. Faites-vous pas écœurer, par moi. Et restez bien. Il y en a une qui vient me voir, elle dit, moi, je souffre pas. Non, elle souffre pas. Elle se plaignait parce qu'elle souffrait pas. Ça. C'est une souffrance, toi. Une drôle de souffrance. Elle se plaignait parce qu'elle souffrait pas. Mais il y en a toujours une souffrance pareille. Il y en a toujours. Je suis sûr que Dr. Beck, il y en a une souffrance, sa femme, ses enfants. Il y en a toujours une souffrance. Mais c'est pas une souffrance à tout casser. Heureusement. Ils me disent qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de souffrir autant que d'autres. Parce qu'ils n'ont pas besoin de souffrir autant que d'autres. C'est clair. Il y en a, il faut qu'ils souffrent. Parce qu'il n'y a personne de fait pareil. Moi, je parle de la souffrance comme si je jappe pour la souffrance. Je jappe pas pour la souffrance, au contraire. Seulement, je suis obligé de toujours parler selon un certain dénominateur commun. ça dépend de votre avenir. Vous allez toujours souffrir selon votre avenir. C'est seulement sur ton avenir que tu souffres. C'est compliqué l'affaire de la souffrance dans la vie d'une personne. Il faut que tu prennes une personne en particulier. Tu peux pas parler généralement. Comme ces gens-là, ça ne souffre pas, ça. Ils font une belle vie, ces gens-là. Tu peux dire qu'eux autres, ils font une belle vie, ils sont bien. Mais rendu à leur âge, tu peux pas demander à des gens de souffrir rendu à leur âge. Ils font une bonne belle vie, puis c'est comme ça que ça soit. Mais ça, ça fait partie de la révolution. C'est comme son gars, lui, comment ça s'appelle? Gilles puis Manon, ça souffre pas. De temps en temps, il y a ces petites patentes. Mais c'est des souffrances à te casser comme moi j'en ai eu, ou comme peut-être Gisèle, ou partie du monde comme vous autres en avez, ils n'en ont pas. Pis c'est bien que ça soit de même. Du moment qu'ils sont bien, ils sont bien. Hein? C'est ça l'affaire du karma. Il y a des gens qui n'ont presque pas de karma à vivre. C'est surtout l'affaire du karma. Karma, mon karma, karma. C'est l'affaire d'évolution, ça. Il y a des gens qui ont du karma à vivre, puis il y a des gens qui n'ont quasiment pas de karma à vivre. Moi, j'en ai pas de karma, j'ai souffert comme un chien. C'est pour d'autres raisons. Mais quand je dis que dans l'avenir, il y a un nombre de gens parmi tous vous autres, venant de différentes parties du monde, qui devront être suffisamment conscients des lois de la communication pour pouvoir comprendre les lois de l'énergie en eux, pour pouvoir éventuellement se soustraire complètement des influences et des retombées de la politique mondiale. Parce que vous avez lu des livres dans le passé, vous avez lu les prophéties de Nostradamus, vous avez lu les prophéties des maîtres, puis des ci, puis des ça, là. Bon. Ce que vous avez lu, c'est comme regarder une image sur un tableau. Mais, je vais vous dire une chose, ça se passe pas de même. Ça se passe pas de même! Les événements ne se passent jamais de même parce qu'ils sont perçus comme ça. Mais c'est pas de même que ça se passe, les événements. Alors, tout ce qui se produit, tout ce qui sera vécu par l'homme dans les années qui viennent, l'homme conscient ne doit pas souffrir de ces choses-là. Comment il y aura une guerre nucléaire entre les Russes, puis les Chinois, puis les Américains? Ça n'a pas d'importance! Ça, c'est important. Puis ça n'a plus d'importance quand tu es dans l'intelligence, que tu as fracturé le mur de l'inertie intelligence, puis que tu as ouvert la communication avec les autres, ceux qui sont dans la même vibration. À ce moment-là, tout ce monde, l'ensemble, laisse-moi te dire une chose que c'est pas long de créer des conditions de vie où tu es totalement à l'abri de ces conditions-là. Jusqu'à temps que. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Jusqu'à temps que les gens changent de plan. Puis pour créer notre avenir, il faut qu'on puisse communiquer. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce que ça veut dire communiquer. Moi, si je communique avec elle, ça veut dire qu'elle, il faut qu'elle voie et qu'elle comprenne. Qu'elle comprenne exactement ce que je veux dire, même si elle ne voit pas le plan complet, mais qu'elle comprenne ce que je veux dire. Qu'elle ait de cette énergie-là en elle. Puis plus elle est capable de vaincre l'inertie de cette énergie-là, mais plus elle comprend, puis qu'elle voue dans l'avenir, comme moi je voue dans l'avenir. Fait qu'à ce moment-là, moi je peux faire quelque chose avec elle. Je peux faire quelque chose avec lui. C'est même ça marche. Fait que quand t'es tant de personnes, qu'il y a un facteur de temps là-dedans, tu peux faire n'importe quoi. Il n'y a plus de limite. Fait que tu n'es plus prisonnier de la condition humaine. Tu fais les affaires qui sont impossibles à l'homme. Ouais, ils n'ont plus de bon sens. Fait que quand tu fais les affaires qui sont impossibles à l'homme, à ce moment-là, tu es totalement libre des retombées de la conscience planétaire, du karma mondial, et ainsi de suite. Il faut être capable de vivre totalement tout seul. Totalement tout seul. En relation avec. Mais totalement tout seul. Tu peux pas te permettre dans la vie de traîner un poids mort. C'est une perte d'énergie. Tu traînes un poids mort, c'est final. Lui, il va t'amener dans la terre, le poids mort. C'est pour ça quand je parle de la rupture des liens entre la 6e race et la 5e, c'est ça que je veux dire. Tu ne peux pas traîner de fois mort. Puis l'intelligence, c'est bien plus puissant que tu peux vous imaginer. Moi, il y a bien des choses qui me révoltent dans la vie matérielle. Le fait qu'on soit obligé de travailler pour quelqu'un, ça me révolte. Parce qu'aussitôt que tu travailles pour quelqu'un, tu vis sous l'impression de sa mémoire d'âme. Même si t'es bien traité, patati patata, tu réalises pas comment est-ce que tu vivrais si t'as pas ces grippes. Et là, le danger de la carrière, oh, vous êtes bien en marche. La compagnie vous offre un char, puis la compagnie vous paye votre briefcase. Et vous réalisez pas comment est-ce que vous vivriez si vous vivriez sous votre énergie à vous. Vous regardez derrière l'arrière, vous dites, petit crise de briefcase, il m'a coûté cher en maudit. Puis le char, il m'a coûté cher en maudit. Moi, je suis sorti avec elle dernièrement, elle avait besoin d'un briefcase. Elle n'avait pas d'argent d'en acheter un. J'en ai acheté un briefcase. C'est ça. Fait qu'elle est plus, elle travaille plus sous quelqu'un. Elle travaille avec quelqu'un, tu sais. T'as pas d'argent pour un briefcase, tu n'as besoin d'un briefcase. Moi, je suis capable de t'en payer un briefcase, je t'en paye un briefcase. C'est le même, ça marche l'énergie. Faut que ça circule. Et si je dis, viens à la maison, faut que je te parle de quelque chose à 4h du matin, je dis, ah, je suis fatigué, là, je viens au bureau demain. Moi, je suis pas demain. Faut qu'elle vienne à la maison. C'est même une énergie. Puis elle est contente de venir parce qu'on joue aux cartes à la maison en même temps. C'est comme ça qu'on travaille. Quand les gens travailleront comme ça, les gens ne travailleront plus. Mais les gens vivront. C'est toujours l'orgueil. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. C'est ça. Non, il y a bien trop des gens pour ça. Tout, ça se tient tout. Ça se tient tout. On parle ici, on parle ici. Ça se tient tout, la vie. Notre vie est totalement cancéreuse, à tous les niveaux. Si on la regarde avec l'œil, là, on a ça, je parle le temps. Bien. Si tu regardes dans n'importe quelle direction, ça crasse. Ça marche pas. C'est belle, ça veut clair, c'est moi qui l'ai acheté. C'est belle, hein? Les femmes connaissent ça? Un briefcase? Ben, c'est pas un briefcase, mais c'est ça. Elle peut mettre ses papiers. C'est vrai. C'est bon. C'est beau, hein? Quoi? C'est tout à fait d'intelligence. C'est être sur la même longueur d'onde. Quand t'es sur la même longueur d'onde, t'es dans la même énergie. Il n'y a plus d'ego, là. C'est l'énergie. Fait que toi, en tant qu'être, tu bénéficies, tu vis de cette énergie-là. Moi, j'ai autant de plaisir d'y acheter sa sacoche qu'elle a de la porter. Mais si elle avait été gênée ou son mari, elle a dit, voyons, ton boss te jette des sacoches, ça brise l'énergie. Puis elle a dit, Chris, fais-toi acheter une par ton mari, paye 10 piastres pour. Non, non, non. Comprends? C'est comme notre fois, il y en a une qui a eu 1000 piastres toute fois, c'est calé. Et c'est ça, la soirée? Elle est partie en partie. C'est vous, ça? C'est de même que ça va, les lunettes. Elle en avait besoin. Elle en avait trop. Ça part? Ah, c'est effrayant. C'est ça de l'inconscient. C'est bien dur à comprendre ça, cette affaire-là. Ça vient en son temps. Mais quand ça vient, par exemple, laisse-moi te dire que... Parce que c'est là que tu commences, que les hommes commencent à former une société anonyme. C'est ça, une société anonyme. Je comprends donc, je fais circuler. Je comprends donc. Je circule, moi aussi. J'aurais pas d'énergie. Partir de chez nous, viens ici. J'aurais pas d'énergie, je pourrais pas. J'aurais pas la force de. J'aurais pas la force, c'est ça qui me donne la force. Quand t'es pas astral comme moi, il faut que tu t'ancres de l'astralité, de l'argent astral. T'ancres. Ouais, mais là, ça devient une habitude. Ça se fait dans l'instantané, ça. Moi, quand je l'ai fait, ça m'a passé tellement vite, chose, que je l'ai même pas réalisé. L'énergie de la volonté, quand vous en servez, est canalisée tout de suite. C'est canalisé instantané. Tu peux pas créer de l'énergie, faire descendre l'énergie de la volonté, puis pas changer quelque chose dans ta vie. C'est impossible. Si vous faites un effort pour vaincre l'ego, c'est pas de la volonté, ça. Non, ça change quelque chose dans notre vie. Nous, on a l'impression qu'on vient de vivre une expérience, puis qu'on l'a acquis à ce moment-là, qu'on a passé par le cercle de volonté. Moi, on a l'impression qu'à ce moment-là, que l'énergie devient juste à toi, ça ne canalise pas l'énergie aussi d'une fois à ce moment-là. Ah oui. Et là, pareil. Une fois que tu as ouvert une étape, que tu as ouvert une couche d'énergie, elle est là. Vient une situation où tu as besoin de cette énergie-là, elle est là, tu t'en sers. Mais il faut que l'énergie, elle change quelque chose. Instantanément, il faut qu'elle change quelque chose. Peut-être que tu t'en sers pas tout de suite, mais elle est là. Elle est là, l'énergie. Une fois que les centres s'ouvrent, l'énergie est là. Moi, l'énergie de la volonté, je l'ai, elle est là. Puis si j'avais à m'en servir, je m'en servirais. Elle est toujours là. Ouais. Tu peux pas la perdre. C'est pour ça que c'est si important de vaincre cette inertie-là qu'on a en nous autres. Puis il y a différents niveaux d'inertie. Il y a l'inertie émotionnelle que les gens connaissent. Il y a l'inertie intellectuelle. Puis il y a l'inertie de l'énergie. Ça, ça a plus tout à faire. Quand tu vaincres l'inertie de l'énergie, là, laisse-moi te dire, t'es dans l'énergie. Là, après ça, les portes du monde s'ouvrent à tout. Ils peuvent pas rester fermés. Parce que tu as de l'intelligence avec cette énergie-là, Fakir. Tu peux pas. C'est subtil. C'est comme lui, il était à la conférence, la grosse conférence qu'on a eue la dernière, là. Puis il voulait pas me déranger. Hein? Il voulait pas me déranger. Il aurait voulu que j'annonce qu'il a fait un party pour nous autres. Bien, bien. Fait qu'il voulait pas me déranger. Fait que moi, j'en ai pas parlé. Ah. Il n'a pas vaincu l'inertie de l'intelligence. Il était pogné dans son regard. Moi, c'est une forme de spiritualité, c'est une forme de quelque chose. Il vient de me voir et il dit, tu veux dire à parler? Si moi, pour une raison ou une autre, je ne veux pas en parler, puis je vais y expliquer. Bon, il ne perd rien, il a compris quelque chose, puis il s'en va. Mais s'il prend sur lui-même une décision en relation avec moi, il ne sait pas comment est-ce que je vais réagir, moi. Lui, s'il pense qu'il me dérange, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, moi. Si je ne veux pas m'en dire. Fait qu'il a manqué que j'annonce ça, puis il risque de ne pas renflouer sa caisse. Ah oh ouais, je vais en parler. D'ailleurs, je t'annonce. Il fait partie de mes vêtements. Quelle date, ça? Non. Tu es le temps en action, jamais en réaction. Puis être capable de prendre des réactions objectivement quand elle vient, s'il y en a une, s'il n'y en a pas. Mais tu as fait le mouvement, l'énergie a passé. Prendre l'action, faut être dans le plan de décision. Tout le temps. Tout le temps. Fait qu'éventuellement, tu développes une résistance. Même si une réaction, tu l'absorbes, l'énergie, tu continues pareil. Si j'avais annoncé ça à 400-500 personnes, ça aurait aidé à sa caisse. Puis on fait tout le temps ça. Puis moi, j'étais un peu l'étranger. Pour lui, même toi, avec nos parents, comment est-ce qu'on est, notre mère, notre belle-mère, nos grands-pères. On ne fait pas passer l'énergie. Quelle date, ça, ça va? Lui, il est comique, tu sais. Il a l'air d'un gros tough, tu sais. Sa grosse moustache machiavélienne, mais il est bien doux. Là. Il est bien tranquille au port. Il n'est pas aussi tough que l'air. Lui. Ben. Wow! Wow, wow, wow, wow. Mais, il ne canalise pas toute son énergie. Il y a encore un retien. Bon, ça fait partie de l'expérience. Ouais, attends une minute. Si un gars avec qui il devra pas prendre ces choses en considération, c'est moi. Si les gens commencent à me prendre en considération, les gens viendront vraiment me parler pour ouvrir une pizza. C'est vrai? Bon, dis ça, que ben, c'est bien trop. Puis ça l'intéresse pas. Tu savais pas, ça m'intéresse pas une pizza? Fait qu'on rationalise, puis on rationalise. Aussitôt que t'as une énergie, faut qu'elle passe, faut qu'elle se manifeste. Fait que si t'as une idée, faut qu'elle passe, cette idée-là. Si tu commences à bloquer, sinon, elle vient de mourir. Ou tu y enlèves de la puissance. C'est ça qu'elle fait. Ça devient compliqué encore. Il y a le discernement, puis tout. Toi, t'as tendance à prendre ça gras comme une carotte. T'es comme un lapin, t'en donnes une carotte, t'apprends tout de suite. Des fois, il faut que tu l'épluches ta carotte. Il y a des aspects à ça. Lui, c'est ta considération qu'il avait acheté le prix, ainsi de suite. Mais il faut que je fasse quand même comprendre le principe que, surtout quand c'est une situation comme la sienne, où il fait un party pour nous autres, surtout comme je commande un micro, ainsi de suite, mais. C'est bon qu'il vienne me voir et dire, mais t'en parleras-tu? Puis si j'en parle pas, mais là, on saura pourquoi, faut pas que j'en parle. Hein? Ouais, c'est au Sheraton Mont-Royal. La même place que l'autre fois. Sheraton Laval. Je suis pas l'énervé. Au Sheraton Laval. Quelle date? Samedi prochain à 8h. Samedi prochain. Hélène est là pour prendre des inscriptions, puis il manque du monde. Ça crée tout le monde. Bon, en tout cas. La mangiare? Je ne sais pas si vous voulez, je vous demande de rester ici encore 5 minutes, le temps d'installer les choses sur les tables. Je peux-tu continuer à parler? Vous servir. Tu peux continuer à parler si tu veux. OK. Oui, de l'air. On vous en fait de l'air. On fait une visite de Oh, Quand je te vois t'asseoir là-dessus, c'est ce que je veux dire, là. De la confiance, hein? C'est pas si bio, c'est parce qu'elle est pas solide. Je suis pas pesant. Ok, je continue. Dans l'énergie de l'intelligence, il y a du temps. Ça dit que dans l'intelligence, il y a du temps. Dans l'énergie de l'intelligence, il n'y a pas de temps. Et l'homme doit en arriver à vivre tellement dans l'énergie de l'intelligence que son intelligence, la perfection de son intelligence, c'est-à-dire sa capacité de vivre simplement de l'énergie de l'intelligence, sera proportionnelle à sa capacité de ne pas sentir le temps dans son mental. Si vous vous demandez, il y a des gens des fois qui se demandent, mais pourquoi est-ce que je suis pas dans l'intelligence créative. Parce que l'intelligence créative, c'est pas nécessairement l'intelligence qui vous permet de parler en public. L'intelligence créative, c'est l'intelligence qui vous permet d'être bien dans votre peau. Et les gens se demandent souvent, ou ils essaient de saisir, qu'est-ce que c'est cette intelligence-là, ou qu'est-ce que ça fait avec cette intelligence-là, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que je peux faire avec cette intelligence-là. La seule réponse à l'intelligence, à l'énergie, c'est que dans l'intelligence pure, il n'y a pas de temps. C'est une règle de mesure de l'intelligence pure. Il n'y a pas de temps. Que vous soyez créatif avec ou que vous soyez simplement créatif envers vous-même pour vous donner une vie agréable, il n'y a pas de temps. Puis je veux parler un peu de la nature du temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Expliquez le temps. Dans le temps, dans ce qu'on connaît comme nous les hommes comme le temps, il y a une partie de cette vibration, de cet état d'esprit qui est directement manufacturé, si vous voulez, par des intelligences dans l'astral. Suivez-moi bien dans ce que je vais dire, parce que c'est la première fois que je parle de ça, puis j'en connais pas encore tous les aspects. Ce que je veux dire, ou ce que je vais dire, c'est pas ce que je veux dire. Il va falloir que je le clarifie encore plus loin. Tous les hommes, en évolution, tous les hommes qui sont des êtres ascendants, ont, dans l'astral, des connexions, plus ou moins élevées. Autrement dit, tous les hommes ont une pluralité de personnalités dans le monde astral, plus ou moins évoluées. Et ce sont ces personnalités-là, le différentiel, leur relation vibratoire, leurs différents taux de vibration qui créent dans l'homme ce qu'on appelle le temps psychologique. Autrement dit, le temps psychologique que l'on vit, nous autres les hommes, c'est un temps psychologique qui nous est imposé à cause du fait qu'il y a dans le monde astral des personnalités qui vivent, qui évoluent et qui ont un différentiel d'énergie et avec lesquelles on n'est pas parfaitement harmonisé. Autrement dit, le temps que connaît l'homme, c'est une souffrance de son esprit. Et la souffrance de l'esprit de l'homme provenant de ce fait-là empêche l'homme d'être dans l'énergie de l'intelligence parfaitement. Et c'est très mauvais le temps pour l'homme. Parce que quand l'homme dit le temps, il est automatiquement conscient de l'imperfection de sa vie. S'il est conscient de l'imperfection de sa vie, il y a une souffrance. Et s'il est conscient de l'imperfection de sa vie, ça veut dire qu'il n'est pas totalement dans l'énergie d'intelligence. Ça veut dire qu'automatiquement, il est assujetti par le fait qu'il y a une relation entre lui et des personnalités dans l'astral et que la liaison n'est pas... La liaison, le lien entre lui et ces personnalités-là dans l'astral n'est pas parfaitement équilibré. Je vous donne un exemple. Et là, j'aimerais ça que les gens qui ont des écrans, qui ont un écran mental, qui peuvent voir ce que je dis, puissent suivre ça, parce que c'est bien intéressant. Un homme n'est pas un homme complet. Un homme est un être planétaire, expérimental, assujetti, sans liberté, inconscient, impuissant, sans volonté, sans intelligence parfaite et incapable d'amour tant qu'il n'est pas capable de régner en maître sur les personnalités qui sont dans l'astral. C'est pas nécessaire qu'un homme aille dans l'astral et rencontre ces personnalités-là pour régner en maître sur eux, sur elles. Et c'est important qu'un homme soit capable de détruire une fois pour toutes, l'inertie de l'intelligence. Autrement dit, l'inertie de l'intelligence de l'homme est son lien avec l'astral. Il est son lien avec les personnalités dans l'astral. Il est son lien avec des forces qui se convoitent, son expérience. C'est fort. OK? Les forces, ses forces, ses personnalités, ainsi de suite, ça convoite son expérience. Puis si on prend un homme expérimenté au niveau de l'astral comme Croteau, qui est allé souvent dans l'astral, Croteau sera le premier à affirmer que dans l'astral, les êtres qui sont là, ou les maîtres, ou comme les gens appellent des maîtres, ainsi de suite, whatever, sont pas là pour notre faveur à nous autres. Sont toujours là pour leur faveur aux autres. C'est vrai ou non, c'est pas vrai? Comment est-ce que ça a des gros maîtres, des grands maîtres, des maîtresses, n'importe quoi? C'est toujours pour leur faveur à eux autres. Parce que le mort est anti-vivant. Le mort est anti-vivant. Puis, la seule raison pour laquelle moi je peux vous dire ça, c'est parce que moi j'en ai pas de lien avec ces entités-là. C'est ça ma fusion. Alors qu'est-ce que c'est la fusion totale? C'est l'absence d'intermédiaire entre l'homme et la lumière. Ça c'est la fusion totale. Toi, puis Jojo, nothing in between. C'est ça la fusion totale. Et ce sont ces entités-là, qui sont responsables pour créer chez l'homme. Tu sais, je dis tout le temps, les hommes ont un plafond. Je dis ça souvent dernièrement à la maison. Les gens ont des plafonds. Je vois toujours des plafonds chez le monde. Des plafonds, puis des plafonds, puis des plafonds, puis des plafonds. Il y en a qui sont du grand monde. Je rencontre du grand monde, mais ils ont des plafonds. Puis du grand monde en gros, puis ils ont des plafonds. Pourquoi est-ce que les hommes ont des plafonds? Parce que les hommes sont assujettis à un niveau quelconque de l'astral par des personnalités qui se servent d'eux autres. Comment est-ce qu'ils se servent d'eux autres? Ils se servent d'eux autres par l'émotion ou par la pensée. Et c'est ça qui crée le phénomène de l'inertie de l'intelligence. Alors, c'est très important pour l'homme. C'est très important pour l'homme de comprendre l'importance de l'inertie de l'intelligence. C'est la clé à l'énergie. C'est la clé de l'énergie, c'est la clé de la vie de l'homme, de la vie réelle de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sa vie réellement tant qu'il n'a pas compris ça, qu'il n'a pas vécu ça, qu'il n'a pas réussi à détruire cette inertie maudite-là, parce qu'elle est maudite, cette inertie. Et un homme qui a compris ça et qui est conscient de ça et qui détruit cette inertie ne peut plus être assujetti à aucune loi profane. Il ne peut plus, il peut respecter les lois, mais il ne peut plus être assujetti à une loi profane. Et il ne peut plus être assujetti à aucune force astrale. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin jamais d'avoir crainte de quoi que ce soit. Parce que la crainte dans l'homme vient du phénomène de sa relation avec ses personnalités. Moi, j'ai vécu la fusion et j'ai... je veux pas trop en parler, là, parce que j'aime pas ça, parler trop de ça, parce que l'amour est très fort. Mais j'ai eu mes moments dans ma vie où j'ai connu le lien parfait avec Jojo. Là, je te réponds, je l'appelle Jojo. Et c'est indescriptible, ce lien d'énergie-là. C'est pas de mots. Et tout ce qui enlève à l'homme ce lien-là, c'est l'astral. Ce sont ces personnalités-là. Et ces personnalités-là font partie de la mémoire de l'âme. Ils font partie de l'entretien universel des circuits. C'est comme si ces personnalités-là, là, c'est comme si c'est des nettoyeurs. C'est des vidangeurs. Puis je m'en sac, comment que ça serait, comment que vous me diriez, c'est Saint-Pierre. C'est tout décroté. C'est très important ce que je vous dis. Je le dirai pas en public, je l'écrirai même pas en public. Ce que je vous dis, je le dirai plus. Fait que prenez-les là, fait que je le dirai plus. Vous rencontrerez jamais un homme sur la terre, dans cette vie-ci, qui vous parlera comme moi je vous parle. Que vous alliez dans n'importe quel coin du monde, vous rencontrerez jamais un homme sur la terre qui vous parlera comme moi je vous parle. Vous rencontrerez jamais un homme sur la terre qui sera aussi conscient de votre liberté que moi. Vous rencontrerez jamais un homme sur la terre qui combattra autant pour la liberté de l'homme que moi. Et vous ne rencontrerez jamais un homme sur la terre qui est autant dans l'intelligence que moi. Et vous ne rencontrerez jamais sur la terre un homme qui possède autant l'énergie de l'intelligence que moi. C'est pour ça que tout ce que je vous dis, si vous en arrivez à dépasser l'émotivité et les pensées que ça crée dans vos esprits, ça vous amènera à reconnaître en vous l'intelligence, la même intelligence qui est en moi. Si vous laissez vos personnalités créer de l'ambroglio, si vous laissez vos personnalités s'emprunter de votre passé, de votre mémoire, si vous laissez vos personnalités s'emprunter de comparaison, vous ne pourrez pas comprendre ce que j'aurai à vous dire dans l'avenir. Et automatiquement, vous ne pourrez plus comprendre ce que j'ai à vous dire dans l'avenir. Et si vous ne pouvez plus comprendre ce que j'ai à vous dire dans l'avenir, vous ne pourrez plus être avec moi dans les terres. Parce que le lien avec moi dans les terres est un lien qui est fondé sur le pouvoir de ma conscience d'électrifier vos consciences à distance quand le temps sera venu. La switch, c'est moi la switch. Et pour que le courant passe dans vos corps subtils, éventuellement, il faut que vos corps subtils soient tellement énergisés par l'énergie que je passe dans les mots, que quand j'ouvre la switch, le courant va passer. C'est pour ça que c'est important pour nous tous, de bien réaliser que plus j'avance, plus je détruis tout ce que l'on sait. Et c'est le fait que je détruis tout ce que l'on sait qui nous fait avancer. Et tout ce que l'on sait doit être détruit parce que tout ce que l'on sait a été construit par des entités qui ne sont pas dans la lumière, mais par des entités qui sont dans des sphères, qui sont assujetties, et non dans des sphères qui sont libres. Et la différence entre les sphères qui sont assujetties et les sphères qui sont libres, c'est ceci, c'est que dans les sphères assujetties, les entités n'ont pas droit à la fusion. Ils ont des plans d'ensemble, ils ont des vues d'ensemble, ils ont une compréhension d'ensemble de l'évolution. Mais toujours en relation avec le futur, jamais en relation avec l'avenir. Le seul homme sur la Terre aujourd'hui qui connaît et qui comprend parfaitement l'avenir, c'est moi, parce que je n'ai aucune mémoire, de sorte que je la crée. Et il se fera dans les années à venir une division entre les hommes. Il y aura des hommes qui iront vers l'avenir, il y aura des hommes qui iront vers le futur. Et les hommes qui iront vers le futur souffriront des événements futurs. Les hommes qui iront vers l'avenir ne souffriront pas des événements futurs parce qu'ils ne seront pas dans le futur. On arrive à un âge d'humanité où la vérité doit être démasquée et le mensonge doit être démasqué. La vérité doit être démasquée parce qu'elle ne connaît pas le mensonge, et le mensonge doit être démasqué parce qu'il voit la vérité. La vérité doit être démasquée parce qu'elle appartient à des intelligences qui sont en dehors des sphères. Le mensonge doit être démasqué parce qu'il appartient à des sphères inférieures, où l'intelligence est moindre que les autres. La différence entre la vérité et le mensonge, c'est que dans les sphères, il y a des intelligences plus avancées que d'autres. Et il est là le danger de l'homme. Le danger de l'homme, c'est que l'homme cherche la vérité. Et lorsqu'il cherche la vérité, il se met en liaison avec des intelligences qui sont plus avancées que d'autres, mais qui sont aussi emprisonnées dans la mémoire du temps. Et c'est le grand problème des morts, c'est le grand problème des êtres qui meurent, c'est qu'ils sont prisonniers de la mémoire du temps. Et l'homme ne peut plus se permettre d'être prisonnier de la mémoire du temps. Il doit créer son avenir. Et en créant son avenir, il est forcé de détruire la mémoire du temps. L'homme n'a pas besoin de mémoire pour vivre sur quelque plan que ce soit. Il n'a pas besoin de mémoire pour comprendre quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de mémoire pour réaliser quoi que ce soit, puisqu'il est énergie. Et la mémoire, c'est l'infrastructure universelle de l'énergie qui n'a pas atteint un niveau, le niveau de l'implosion.